Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Nous profitons des vacances pour revoir ensemble les meilleures sorties de la saison. Juin 1990, une grande ville de province. C'est le dernier jour de classe avant le bac. Une petite bande de terminale quitte joyeusement le lycée. Dans l'euphorie ambiante, Lucas vide son sac. Sans mâcher ses mots, il dit tout haut à son vachard prof de philo ce qu'il pense de lui. Soulagement de courte durée puisque l'odieux Martino, le fameux prof, fera finalement passer les oraux de rattrapage. Lucas a intérêt à réviser. La dernière seconde de la dernière heure du dernier jour de la dernière année de lycée. Je voulais juste vous dire que vous êtes une merde, monsieur Martino. Vous êtes à la fois un pauvre type et un salaud. Vous puez la médiocrité. Et puis alors le look, j'en parle même pas. Rien d'autre ? C'est tout. C'est un certain monsieur Santini qui devait faire passer les oraux de philo. Vous savez qui le remplace ? Non. Ah, allez deviner. Non. Bonsoir. Bonsoir. C'est cette fille d'hier soir, je n'arrête pas d'y penser. J'ai comme un rayon de soleil. J'ai rencontré quelqu'un hier soir. Tout ce que j'aime. Bon, le seul problème, c'est que j'ai ni son nom ni son téléphone. Et à part ça, elle est bonne ? Je te parle des sentiments, putain, c'est lourd. J'ai 62 points à rattraper, c'est beaucoup. Terrier ! Une bonne séance de révision avec un prof, fut-il un raté, un salaud, ça peut aider. J'ai rencontré une fille et on s'est vu une fois. Mais je sais pas comment la retrouver. Tout ce que je connais d'elle, c'est son prénom, Clémence. Clémence, tu peux aller ouvrir ? Et elle est en D. Elle est en D, t'es sûr ? Ah oui, ça c'est sûr. Nos 18 ans, une comédie de Frédéric Berthe avec Michel Blanc et toute une équipée de joyeux lurons, un DVD TF1 vidéo.